pourrait croire qu'il y a un espoir, que les vies vont guérir du mal qui les ronge. D'ici là, la médecine fera son business et gagnera comme les pompes funèbres. Mais où es-tu? Là-bas on croit, donc on n'y est pas, que tout vaut mieux que là. Mais c'est pareil partout, pourtant on a soif de l'argent, la soif du quand on voit ce qu'on pourrait faire avec ça, et tout ce que l'on ne fait pas sans ça, pour reparler à ces gens qui n'écoutent pas. Des murs qui ne changeront pas, j'y ai pourtant cru. Putain, mais pourquoi tous ces êtres corrompus qui se noient? J'irai pas demain, j'irai pas plus tard, j'irai plus. Déjà, je ne crois plus en rien, et l'amour dans tout ça, et l'amour dans tout ça n'est pas venu, c'est égaré, a disparu. Et un jour tout ça séchera, et un jour tu vois, plus personne ne sera là. Que toi, ça, je crois pas. Et il y a fort à faire, fort à parier. Et d'ici là, que le monde change et que plus rien ne soit, toi et moi, on n'aura jamais le temps. parlez-nous à des êtres. Pourquoi parler de tout ça? C'est la fin de notre aventure. La fin. Plus de pellicule, plus de batterie dans la caméra. Dans ses draps, on rêvera, on en rêvera à tous ces endroits et tout ce qu'on aurait pu, tout ce qu'on aurait voulu, de beau, de bon. Soit dit en passant, juste là, là-bas. Que y croire, que mieux qu'ici, là-bas. Mais dans l'histoire, il n'y a que le début. Que le début qui va, le début toujours en lui, il va. Toujours lui le début.